Nous saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Tukona salimia kila moja wenu mujina la Yesu Kristo. Lorsque nous écoutons le témoignage de ce que Dieu fait. Mwakati tunashikia kumakushudia kwa vile Mungu anafanya. Cela fortifie notre foi. Ile inekaraka na tia nguvu kwa imani yetu. C'est un signe qui ne trompe pas. Ni alama aidanganyaki hapana. Dieu écoute nos prières. Ya kwamba Mungu nashikia maombi yetu. C'est pourquoi quand un frère ou une sœur. Juko mana mwakati nduku wala dada. Qu'il soit présent dans cette assemblée. Mwenye kuya apa pa imakutano. Envoie sa requête de loin. Kutoka mbari anatuma itaji yake. Il soit chrétien ou païen. Akum Kristu wala mpagano. Nous devons prier pour cette requête avec tout notre cœur. Tunapasha kuombea ile itaji na moyo wetu yote. Parce que la grâce de Dieu. Sababu neema ya Mungu. Fait tomber sa pluie sur le bon comme sur le méchant. Iku naangusha mvula yake pa batu babaya na bazuri vile vile. Et Dieu écoutera toujours une prière sincère. Na Mungu atendelea paka mkushikia ombi ya moyo wa haki. Et la bonne manière de prier pour quelqu'un. Na namna tu mzuri ya kuombea mtu. C'est de la voix de la compassion dans votre cœur. Ni kuya na buluma na ukushiriki kule magumu yake ndani ya moyo wenu. Mettre à la place de celui qui a envoyé la requête. Ni kujiweka mbele pa fashi ya ule mtu alituma itaji. Le prendre ou le considérer comme votre frère. Kumubeba sanduku yako. Une partie de vous-même. Sawa sehemu yako. Et quand vous priez. Na mwakati utaanza kuomba. Vous prierez avec tout le sentiment d'affection. Na utaomba na mania yote ya mapendo. Avec tout le sérieux. Na roho yote. En attendant une réponse favorable de la part du Seigneur. Mukongojea jibu ya mzuri kwa upande wa Mungu. Si Dieu peut écouter votre prière. Kama Mungu anaweza kushikia maombi yenu. Pour quelqu'un qui a appris que votre pasteur est un homme de Dieu. Kwa mtu ule tu alishikia kwamba pasteur wenu mtumishi wa Mungu. Et il a cru en vos prières et à la prière de votre pasteur. Na anamini mu maombi yenu na maombi ya pastori wenu. Et Dieu a répondu. Na Mungu anamujibia ule mtu ambari. Cela doit amener l'église à une sanctification profonde. Na ile inapasha kupeleka kanisa mkujitakasa sana. Et cela doit nous rappeler que nous ne sommes pas comme les autres. Na ile inapasha kutukumbusha shia kusema shia tunasaba ntubote. Nous sommes de la race particulière. Shie tuko kizazi kia kipekee. Dieu nous connaît. Mungu anetujua. Et Dieu entend nos prières. Na Mungu eko nashikia maombi yetu. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu anibariki. Le frère Simon Fulai. Nduku Simon Fulai. C'est le pasteur de notre assemblée de Chilabombo en Zambie. Ni pasteur wa makutano yetu ya Chilabombo kule ku Zambia. Vous a tous salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Arimisalimia nini wote mujina la Yesu Kristo. Levons-nous pour la lecture de la parole. Tu shimame njo usome wa neno. Seigneur, nous te disons merci. Bwana tunakupikia asante. Pour tes faits. Juu ya vitu vyako vikubwa ulifanya. Pour la confiance que tu nous fais comme tes enfants. Na tumaini unayotupatia sawa watoto yako. Lorsque tu exauces notre prière. Mwakati unajibu kwa maombi yetu. Cela témoigne que vous avez un intérêt particulier avec nous. Ile ikunaonesha kwamba kuna faida ya kipekee kwetu. Nous comprenons que nous ne valons rien. Tukunaelewa kwamba hatuna kitu. Nous comprenons que nous ne connaissons rien. Tunaelewa kwamba hatujui kitu. Mais toi tu nous connais Seigneur. Mais lakini uone tujua. Tu ne regardes même pas à nos manquements. Awangalia hata kama ukosefu yetu. Mais comme nous croyons à l'œuvre du calvaire. Lakini sasa tunaamini kazi ya Calvario. À cet homme qui a pris notre place en toutes choses. Ole mtu aliyefanya yetu vitu vyote. Voilà pourquoi tu nous fais du bien. Njoo kwa maana unetendea mema. Que ton nom soit loué à jamais. Jina lako litukuzwe hata milele. Nous venons encore ce soir dans la plénitude de la foi que tu guériras chaque maladie et tu résoudras chaque problème qui se trouve au milieu de nous et que chaque requête qui a été déposée ici ce soir trouvera un écho favorable. Bénis chacun de nous. Bénis ta parole. Nous avons besoin de ton onction. Tout homme qui a étudié peut lire la Bible. Mais l'interprétation et la révélation vient de ton esprit. Fais-le pour nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Nous te prions. Tu n'as combat ici. Amen. Amen. Ésaïe 40. Isaïe ma kumi ine. Dans son verset 13. Mustari yake ya 13. Et son verset 14. Na mustari yake ma kumi na ine. Qui a sondé l'esprit de l'Éternel? Nani mwenyari chimba ro ya wa milele? Et qui l'a éclairé par ses conseils? Nani alimwangazia kupitia mashauri yake? Qui lui a ajouté quelques conseils sur ce qu'il faisait? Nani alimwangizia ko shauri pabila anza kufanya? Avec qui a-t-il délibéré pour recevoir de l'instruction? Ni pamoja na nani arbe mpango wa mwisho jo kupokea mafundisho? Qui lui a appris le sentier de la justice? Ni nani alimfundisha manjia ya waki? Qui lui a enseigné la sagesse? Ni nani alimfundisha hekima? Et fait connaître le chemin de l'intelligence? Na kumujuisha njia ya akili? Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana aongeze baraka kusomi ya neno lake. Nous continuons à parler de ce qui s'était passé dans l'éternité. Tukunendelea kusemezea yule abile bipitikanaka muno milele. De tout ce que Dieu avait fait comme un grand projecteur. Na bile biote Mungu alifanya sa ule kuna panga mipango ya bitu itafika. Lui qui vit par lui-même et qui existe par lui-même. Ye konaishi kupitia yeye mwenyewe na konaishi yeye mwenyewe. Lui qui depuis l'éternité. Yeye tangia milele. A conçu le plan de toutes choses. Alitunga mapu ya kitu kyote. Il a conçu le plan de tout ce qui existe. Yeye ndio alitunga mapu ya vile vyote viko hapo. Comme nous l'avons d'hier. Il n'y a rien qui peut exister sur cette terre parmi les choses que nous voyons et les choses que nous ne voyons pas que Dieu n'a jamais conçu depuis l'éternité. C'est pourquoi suivez très attentivement. Jokomana mufate na utaratibu kabisa. Parce que ce sont des choses qui sont liées à notre salut. Sababu ni vitu vyenye vinambatana na wokovu yetu. Dans les chefs-d'œuvre, c'est la citation que je voulais lire hier, mais je n'avais pas le temps. Nishikupate wakati ni sakuisoma jana. Les chefs-d'œuvre, page 12, paragraphe 44. Les chefs-d'œuvre, page 12. Avant que Frère Banam parle de ce que Dieu avait fait comme un grand projecteur. Mbele anduku bana mapata kutemezea bile Mungu alifanya alitungaka sawa mtu akutangulia kutayarisha bitu. Il prit l'exemple de Michel-Ange. Alibeba mfano ya Michel-Ange. Ce grand scripturaire. Ule anza kuandika. Non, c'est comment on les appelle? C'est un grand artiste. Ni wakufiatula mkubwa sana. Ce sont les gens qui font des statues. Ni batu bale banekalaka mkufiatula. Ils conçoivent les statues des gens. Beko naweka ata ma statue kutunga. Il a donné cet exemple-là. Aileta imfano. Avant de l'appliquer sur Dieu. Mbele ya kuitumia yulu ya Mungu. Vous lirez au paragraphe 44. Mutesoma mu nukta yake ya makumi ine na ine. Au paragraphe 48. Munaweza kwenda hata kunukta yake ya makumi ine na ine. Maintenant, tournons la page de Michel-Ange. Sasa, tugeuze karatasi ya Michel-Ange. Et fermons le livre. Na tufunge kwanza kitabu. Et ouvrons un autre livre pour lire ce qui concerne. Na tufungule kitabu ingine njuu ya kusoma binyebe na mwangaria. Ouvrons un autre livre, c'est-à-dire la Bible. Tufungule kitabu ingine ni kusema Biblia. Pour lire ce qui concerne. Njuu ya kusoma bile binangaria. Le grand sculpteur. Ule wa kufiatula mkubwa. Le tout puissant. Wa uwezo yote. Qui avant qu'il y ait un monde. Ule mbele ata dunia ipate kuwako. Et avant que les fondations en soient posées, na mbele ata misingi ipate kuwekwa, avait dans sa pensée ce qu'il voulait faire. Ndani ya mawazo yake alikuwa na bile alitaka kufanya. Il voulait faire l'homme à sa propre image. Alipendaka kuumba mtu kwa image, kwa picha yake. Il voulait faire quelque chose qui soit en réalité une vision de lui. Alipenda afanye kitu kimoya kufuatana na vile yeye anataka kuona. De ce qui était dans sa pensée. Ah, kufuatana na vile bikuya mawazo yake. Pour Michel-Ange. Juu ya Michel-Ange. C'était un attribut dans sa pensée. Ilikuya tu na ye ni kazi mawazo yake. Dieu lui. Mungu yeye. Le grand sculpteur. Yenye ule anafiatulaka mkubwa. Voulait faire un homme à son image. Alipenda kuumba mtu kwa image kwa picha yake. Il a travaillé sur lui. Na ajiweka mkutumika yule yake. Nous remarquons. Na utaona kwamba. Que les premiers êtres qu'il créa au moyen de son matériel. Ya kwamba batu ba kwanza bala itungaka kuma vyombo yake. Fur peut-être les poissons. Balikuyaka nazania ni basamaki. Et les oiseaux. Ndeke. Et ainsi de suite. Na ifatayo. Et lui des animaux rampant sur la terre. Kwati na banyama wakutambala. Et encore beaucoup d'autres choses qu'il créa. Bitu vingine vya mingi bila aliumbaka. Et mais finalement. Lakini mwisho ayote. Lorsqu'il s'est mis à couvrir cela, mwakati aliweka kupatia kivukutu, en tant qu'un créateur, sawa mumbaji, il n'était pas comme un homme, ashukue sa muntu, comme un sculpteur, sawa wakufiatula, qui a besoin de prendre quelque chose qui est déjà créé, ule eko na lomba, pour entailler une image, na njou achongole aipe umbo, il était le sculpteur, alikuya ye wakufiatula, des choses éternel. Vous voyez, unaona, il était le scripteur des choses éternelles. Un scripteur qui pouvait créer et amener à l'existence ce qu'il avait eu dans la pensée de faire. Autrement dit, il pouvait créer le matériau nécessaire pour la réalisation. Autrement dit, il pouvait créer les matériaux nécessaires pour la réalisation de ses attributs. Quand il commença à travailler, vous voyez, Dieu, travaillant d'après un modèle, une ligne définie. Atua mwa yenye ya kueneana, munaona. Et toutes ces choses, na ibi vitu vyote, c'était dans sa pensée. Bilikuwa ndani ya mawazo. Dans son bureau de dessin. Mule mu ofisi yake ya kufiatula. qui est attaché au bureau d'études. L'église est avec Kanisa moi. Tukupamoe. Il a tout conçu. Na aritunga vitu vyote. Il a conçu, il a vu comment les choses se passeraient. Na ariona namna kani vitu vitakuya. Mais aujourd'hui nous allons parler de la prescience. Lakini leo tutasemea yule ya kutangulia kufahamu. La prescience de Dieu. Kutangulia kufahamu kwa Mungu. C'est tout ce que Dieu avait conçu. Yule avile bitu byote Mungu alitungaka. Sur le plan qu'il avait conçu. Pa ile mapu ye alitungaka. La pensée de Dieu avait conçu le plan de toutes choses. Wazo ya Mungu njo ilitunga mapu ya vitu vyote. Mais sa prescience est vue. Lakini kutangulia kufahamu kwake kuliona. Ce qui devait se dérouler. Bile bilipasha kupitikana. Après la conception de toutes choses. Kisha kutunga vitu vyote. La prescience. Kutangulia kufahamu. Est une faculté. Ni uwezo moya. Uwezo moya. Une aptitude. Nguvu moya. Un pouvoir. Uwezo. La prescience de Dieu. Kutangulia kufahamu kwa Mungu. Est une faculté. Ni uwezo. Qui n'existe qu'en Dieu seul. Ile inekalaka paka ndani ya Mungu pekee. Qui lui permet de connaître et de voir toutes choses. Il est ikuramurusu kuyua na kuona vitu vyote. Sans qu'il y ait quelque chose qui l'échappe. Bila kukuye hata kitu kimoja kile kitamuepuka wala kila kitaona. Sans qu'il y ait une zone d'ombre. Bila kukuye hata kimvuri. La prescience de Dieu. Kutangulia kufahamu kwa Mungu. Est une faculté. Ni uwezo. Qui n'existe seulement qu'en Dieu. Ile inekalaka paka ndani ya Mungu. Et cette faculté. Na ile uwezo. Lui permet de connaître toutes choses. Inekalaka iko na murusu apate kujua kitu kyote. Sans ombre. Bila kimvuri. C'est vrai. Ni kweli. C'est le seul être. Ni mutu tu peke. Qui connaît toutes choses. Mwenye anajua vitu vyote. C'est le seul homme, c'est l'être. Ni mutu ule moya. Qui possède cette faculté. Mwenye kuwa na ile uwezo. Et cette faculté de la prescience. Na ile uwezo ya kutangulia kujua. N'existe à aucun autre être vivant. Aikalake mumuntu yoyote. Ni dans les anges. Atamba malaika. Ni dans les hommes. Ata mubatu. Le seul être qui connaît toutes choses. Mututu moya et qui voit toutes choses. Na eko naona vitu vyote. C'est Dieu. Ni Mungu. Il le fait par sa prescience. Na eko naifanya kupitia ujuzi yake. Les anges. Ba malaika. N'ont pas cette faculté. Abana na ile uwezo. Les hommes batu Et les kérubins na makerubi n'ont pas cette faculté. Ah, banana ile wezo. Il n'y a aucun ange déchu que nous appelons un démon, le démon. Akuna atamalaika moya wa kuanguka ule tunaibale tunaita mademon. Il y a cette faculté. L'église est avec Tule, moi. Et kuna ile wezo. Les démons, mademona, sont des anges déchus. Ni bale ba malaika bale unkaka. Et aucun ange na akuna malaika tamoya ne connaît toutes choses. Ule anajua bintu byote anako. Tous les démons qui sont les anges déchus ma demona yote benye ba malaika bale bale unkaka ne connaissent pas toutes choses. Abajua ke bintu byote. Ils n'ont pas cette faculté. Sababu abana na ile uwezo. C'est pourquoi Jukwaman. Tous les devins sont des menteurs. Ma bafumu bote ni babongo. Tous les magiciens sont des menteurs. Ba fanya maji nde bote ni badangalifu bekubongo. Il n'existe aucun devin. Il n'existe aucun magicien qui connaît toutes choses et qui peut même prévenir, ou prédire l'avenir. Aucun devin ne connaît l'avenir. Aucun magicien ne connaît l'avenir. Aucun devin ne peut connaître ce qui se trouve dans un homme. Aucun magicien ne peut connaître ce qui se trouve dans un homme. Parce qu'ils ne sont pas, ils n'ont pas cette faculté. Abana na ile uwezo. Ils n'ont pas la prescience. Abana na kutangulia kufahamu wala ujuzi. C'est vrai frère. Kweli ndugu. C'est vrai ma soeur. Kweli dada. C'est pourquoi. Jukwa mana. Tout homme. Mutu yote. Ou toute femme. Wala mwanamke yote. Qui se confie dans les devins. Ule konaweka tumaini yake mbamufumu. Même ceux qui invoquent les esprits. Ata benye bali banakalaka mkuita maro mchafu. Qui se confie dans des féticheurs. Beko na tumainia mubakula kwisha. Même ceux qui semblent invoquer les esprits des morts. Ata bali benye banakalaka beko naita maro abafu. Ceux qui se confient dans les magiciens. Bali atumainia ndani abafanya majende. Sont tous des insensés. Bote ni bapumbafu. Et les magiciens na benye bafanya majende. Et tous ceux qui croient en eux na bale bote wanaamini ndani yao sont des insensés. Bote ni para bapumbafu et des fous na ni ba majimu des menteurs badanganifu. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Ni kweli dada. Il n'y a que Dieu seul ni paka Mungu ye peke qui a cette faculté de la prescience. Eko na ile uwezo ya kutanguria fahamu. Dieu étant infini Mungu ye mwenye kuwa asipo mwisho son omniscience na kutakuya kuwepo yake apati yote lui permet de voir d'avance jo iko na murusu apate kuyua mbele tous les événements maandamano yote qui devait se dérouler sur la terre il passe kupitika na pa dunia il a prévu na alitangulia kutayarisha les moyens manamna lui permettant ya kumurusu que tous les événements qu'il avait prévus, kwamba, mama ndamano que yote tous les plans qu'il avait conçus, na ile mapu yote alitungaka, s'accomplissent sans faille. Kutimilika bila kukosa. L'église est avec moi. Kanisa tu famoye. Elohim dans l'éternité. Elohim mule mumilele. Étant infini. Ye mwenye kuwa asipo mwisho. Par son omniscience. Kupitia uwezo yake ya kuafashi yote. Ya kujua kila kintu. De connaître toutes choses. qui lui permet de voir d'avance. Na ikuna muruso apate kuyua mbele. Cela l'a permis d'avoir d'avance. Na ile muruso apate kuona kumbele. Tous les événements qui se déroulaient sur la terre. Mandamano yote itapikana pa dunia. Na cela lui a permis de prévoir le moyen. Na ile musaidia apate kutayarisha namna qui lui permettait de sécuriser ses plans. Il est itamurusu apate kuchunga mzuri mamapu yake. Sécuriser les événements qu'il avait conçus. Mandamano yote il alipangaka. Pour qu'il s'accomplisse sans faille. Kusudi ipate kutimilika paka vile. Exactement. Vile vile. Tel qu'il avait conçu. Paka vile yemunya alifunga. Et tel qu'il avait vu. Na paka vile aliyotangulia kuona. Dans sa préscience. Ndani ya kutangulia kuona. Quand il était encore. Wakati alikuwa angaliki bado. Dans l'éternité. Ye peke mule mumilele. C'est vrai. Kweli. Il est le seul infini. Niye peke njo washipo mwisho. Il vit en dehors du temps. Eko naishi inje ya wakati. Ki na ni commencement de jour ni fin de vie. Ana na mwanzo wa mashiku wala mwisho wa mashiku. Le seul infini qui vit par lui-même, comme nous ne cessons de vous dire. Ule washipo mwisho eko naishi kupitia yeye mwenyewe paka vile atuchoke kumwambia. L'unique qui est omniscient. Ule eko na uwezo yote. C'est-à-dire non, qui connaît omniscient, il connaît toutes choses. Ule il mwenye, connaît tout. Anajua vitu vyote. Il est l'unique qui est omniprésent. Na yenjo eko peke kufashi yote. Il est partout. Eko fashi yote. Il est l'unique qui est omnipotent. Eko mukila wakati. Non, il a toute puissance. Na uwezo yote. Il est le tout puissant. Eko na uwezo yote. C'est vrai, frère. Nkweli. Il est l'omnipotent. Il a la plénitude de la puissance. Eko na utele ya uwezo. C'est lui qui, dans sa grâce, niyeye, ndani ya neema yake, détache une petite partie de la puissance pour la donner à ses créatures. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Kweli dada. Il n'y en a pas deux. Abana bawili. Non, bien-aimé frère. Abana nduku mpendwa. Il fait que notre Dieu soit Dieu. C'est ce qui fait que notre Dieu soit l'incomparable. C'est ce qui fait que notre Dieu soit le tout puissant. C'est ce qui fait que notre Dieu ne peut pas être compris par la pensée humaine. Nous vivons dans le temps, mais lui il vit en dehors du temps. Nous nous sommes des créatures, mais lui il est le créateur. Nous vivons par lui, mais lui il vit par lui-même. Amen. C'est vrai, frère. Ya kweli nduku. C'est vrai, ma sœur. Ya kweli dada yangu. Et pour ce qui est du salut de l'homme, comme nous parlons du salut, j'arrête un peu beaucoup de choses. Mina chemisho vitu vingine, sabe tunasema njoo okovu ya mtu. Comme nous parlons du voie du voie du salut. Sabe tunasema njoo ya njia okovu. Pour ce qui est du salut de l'homme. Kwa ile nangaria okovu ya mtu. Comme nous le verrons dans la volonté et dans le conseil de sa volonté. Pale tuteona mu mapenzi na mshauri ya mapenzi yake. Paka vile tutenda kuiona. Comme nous allons le voir. Dans la volonté. Mu mapenzi. Et dans le conseil de sa volonté. Na mshauri ya mapenzi yake. Quand Dieu conçu le plan de toutes choses. Wakati Mungu alitunga mapu ya kitu kyote. Pour ce qui est de l'homme. Kwa ile langaria sa muntu. Elohim n'a fait que constater. Wa milele arionaka tu. Ce qui arriverait sur la terre. Kile kitafika pa dunia. Il n'a fait que voir. Ariona tu. ce qui se passerait sur la terre. Kile kitapitikana pa dunia. La pensée avait conçu. Mawazo ilitunga. Mais la présence de Dieu a vu. Lakini kutangulia kufahamu kwa Mungu kulionaka. Pendant qu'il était dans l'éternité. Wakati ilikuwa ngariki mileli. Et na la Dieu a constaté par sa présence. Kutangulia kufahamu kwake Mungu aliona. Ce qui arriverait sur la terre. Ile vitafika pa dunia. Lorsque Elohim. Wakati Elohim. Deviendrait dans le temps. Atakuya mwakati. Ça c'est très important. Ile ni mafua kabisa. Elohim a vécu avant le temps. Elohim ariishi mbele ya wakati. Elohim a vécu dans le temps. Na Elohim ariishi tena mwakati. Dans le temps, il est éternel. Il est Elohim. Mule milele alikuwa Elohim. Mule mesena. Na mwakati. Materialize. Alipenda sa kuonekanisha. Tout ce qu'il avait conçu dans sa pensée. Bile vyote alitunga kama wazo yake. Elohim est venu dans le temps. Elohim akakuya sasa mwakati. Et là, il y a un commencement. Na pale, njo sasa anapata mwanzo. Au commencement, na njuma sema kumwanzo, Dieu créa. Mungu akaumba. Au commencement, na kumwanzo, Elohim créa. Na Elohim akaumba. La première créature, na umbe kia kwanza, Elohim, ile Elohim, pour accomplir tout ce qu'il avait conçu dans sa pensée, la première créature d'Elohim, kia kwanza Elohim, c'est Dieu lui-même. Kuya ni Mungu ye moya. Que nous appelons la parole. Tunaita neno. Il est le commencement. Jo mwanzo. Il est le logos. Yenjo logos. Vous voyez. Unaone. Il est le premier. Yenjo wa kwanza. La première créature. Yenjo maumbile ya kwanza ya Elohim. C'est vrai frère. Ni kweli ndugu. Jéhovah. Jéhovah. Souvenez-vous de l'enseignement sur la Trinité. Mafundisho juu ya Mungu. Jéhovah. Jéhovah. Est la forme visible. Ni d'Elohim. Ya kuonekana ya c'est ce que nous avons enseigné, vous avez les bandes. Vous avez des notes. Quand il a quitté mwakati alitoka sa maison. Nyumba yake. Quelle est sa maison? Na nyumba yake ni nini? Cette lumière. Il est nuru. Cette lumière. Il est nuru. Inaccessible. Il est hakuna mtu anaweza kuingia. Dans laquelle il habitait. Cette lumière qu'on ne pouvait pas voir. Qu'un homme ne pouvait voir. Il est mtu akwenda. Qu'un ange ne pouvait voir. Malaika tamu ashikwezi kuona. Il voulait maintenant se matérialiser. Sasa kujionekanisha. Vous voyez, Elohim voulait se matérialiser. Alipenda kujionekanisha. Alipenda se matérialiser. Alipenda kujionekanisha. Il prit la première forme. Alibeba sa umbo yake ya kwanza. Il est tourné à la parole. Neno. Jéhovah. Jéhovah. Dieu. Mungu. C'est à partir de là. Qu'il pouvait maintenant exécuter. Jo aliweza sasa kwanza le reste kumiza, de ce plan. A mapu yake ile bakia. Ile alitungaka mule mumilele. L'église est avec moi. Kanisa tu pamoja. Et tous les plans. Na ile mapu ya yote. C'est tout ce qui se passerait na, sur la terre. Vile vyote vitapitikana pa dunia. L'avait conçu dans le temps. Alikuwa kanisa bitunga mule. Même mwenye. Le plan du salut. Ata mapu yenye okovu. Était conçu. Alikuwa kanisa bitunga. Dans l'éternité. Avant la fondation du monde. Mbele ata misingi ya dunia. Dieu avait vu. Na Mungu alikuwa. Comment l'homme tomberait. Namna kani mutu atanguka. Mwakati akwa Elohim. Mu mawazo yake. Na Mungu mawazo yake. Akatunga mapu. C'était l'homme. Dans sa pensée là, il conçut Jésus. Dans sa pensée là, il conçut le sang qui devait venir payer le prix de l'achat. Mais il fallait que ça soit une réalité. Mais il était dans son avant projet. Il était dans son avant projet. Et quand il a fait ce plan, na wakati alifanya sele mapu, hata njua kuokoa mutu, a la présence a constaté, kutangulia kufahamu kuliona naku, il a observé, anako kunaona, kunangarishisha, bile bitapitikana pa dunia, Dieu a vu, na Mungu aliona, comment les hommes agiraient, namna kani batu batanza kutenda, lorsque le salut leur serait présenté. Mwakati okovu batibapachi ayo. La préscience avait vu. Kutanguria kufamu kurionaka. Le libre arbitre de l'homme. Uru ya kuchakula ya muntu. Sur tous les desseins de Dieu. Yulu ya makusudi mapu yote ya Mungu. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Pas que dans les desseins de Dieu, sababu mu makusudi ya Mungu, nous allons en parler. Tutasemezea. Quand Dieu conçut son plan selon sa volonté, mwakati Mungu akatunga mapu yake kufuatana na mapenzi yake, comme l'avons déjà montré, pabe tulisha meonesha, il voulait sauver tout le monde sans exception. Alipenda kokoa mutu wote bila kutoshaka. Comme l'avons montré, pabe tulionesha, Dieu dit, Mungu akasema, l'homme n'est pas responsable de sa chute. Mutu ana mwenyewe alipenda kuanguka. C'est Adam qui est responsable. Ni Adam njo mwenye mambo. Vous voyez, c'est Adam qui est responsable. Adam, ce ne sont pas ses enfants. Aina watoto yake. Mais c'est lui qui les a entraînés dans la mort. Mulufu, je prends la décision dans ma volonté. Mie, mu mapenzi yangu, dans mon amour, pangu, mapendo yangu, dans ma miséricorde, rehema yangu, de les sauver ya tous. Baokoa, c'est ça ma volonté. Jo mapenzi yangu. Nous en parlerons plus tard. Mais la pression, c'est... Lakini, kutangulia kufahamu wakati kulifika. C'est vrai. Nous le verrons dans le conseil de la volonté de Dieu. Tuteyona mule mushauri ya mapenzi ya Mungu sasa. C'est vrai. Sema vya kweli. C'est ta volonté. Ile ni mapenzi yako. Mais tu oublies Elohim. Mais lakini unasabu Elohim. Oublie que l'homme que tu vas créer. Ya kwamba mtu lotaumba a aussi son libre arbitre. Naye eko na uhuru yake ya kuchagua. Dans ton libre arbitre. Na ndani ile uhuru yake ya kuchagua. Dans ta volonté. Mapenzi yako. Toi tu veux sauver tout le monde. Wewe unapenda kuchukua watu wote. Ni bien ni mzuri. Mais n'oublie pas. Mais lakini ushisabu. L'homme que tu vas créer. Ya kwamba mtu lotaumba pa dunia. Tu vas le doter. Utamupatia libre arbitre. Uhuru yake ya kuchagua. Il sera libre. Na atakuwa uhuru. Ya kuchukua mipango yule ya mapenzi yako wewe. C'est ce que lui a na, vu. Jobile yari unaka. C'est vrai, frère. Kweli nduku. C'est vrai, ma sœur. Ya kweli dada. Mais lui connaît toutes choses. Ye je m'arrête. J'ai resté ma langue. Mina, sinon, je ne vais pas avancer. Mi stendelea, on va parler. J'ai resté ma langue. Il a vu toutes choses. Parce qu'il a cette faculté. Eh, on a ile uwezo. Frère. Nduku. Il n'y a que Dieu. Kuni Mungu tu peke. Qui connaît chacun de nous plus qu'il se connaît lui-même. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Il n'y a rien de caché devant Dieu. Même si tu te tiens dans les profondeurs de la terre, l'Éternel des armées lui te voit. Père, il n'y a rien que tu peux faire que tu ne peux pas connaître. Mungu atashinda kujua. Dieu connaît tout. Mungu anajua vyote. Frère, Nduku. Si aujourd'hui les gens, les croyants pêchent, leo ba, minifu ya tena zambi, c'est seulement par incrédulité. Ni kupitia tu kutokuamini kwabo. Il n'y a rien que tu peux faire, que tu peux dérober. Hakuna kitu tu ne peux pas te dérober wepa, aux yeux de Dieu. Macho ya Mungu. Tu peux te dérober, tu peux te cacher kufitama, devant le pasteur, pastor, devant les anciens, baze, devant les diacres, bashimaki, devant l'église, kanisa, mais devant Jéhovah, devant Dieu, ya Mungu, tu ne peux pas te dérober. Kamwe awezi kufitama, ta vie, maisha yako est nue. Iko waji. Devant le Seigneur. Bele ya Mungu. Il n'y a aucun arbre. Ata muchi moya. Dans lequel tu peux te cacher. Mule unaweza kwenda kufichama. Il n'y a aucun océan. Hakuna hata bahari mule. Dans lequel tu peux te cacher. Ile unaweza kwenda kufichama. Inexiste. Akukaku na. Ni paro monde. Akutafika fasi dunia. Ule mtu anaweza kwenda kufichama. Mais la grâce de Dieu. Lakini neema ya Mungu. Pour les élus. Uya bateule. De ce qu'il a vu. Bale alitangulia kuona. De ce qu'il a connu. Ile alitangulia kujua. Sawa ba ministre. Il est ouvert. Kungula, de refis, moya kuchamia, de chini ya damu ya Yesu Kristo. Là, quand vous vous cachez, na, mule kama unakuchama, hata kama unakuchika mazambi yako, là, il ne peut le voir. Bale Elohim awezi kuona. Mais partout ici, mais lakini fashi yote, unalanda. Il voit tout. Eko naona yote. Il connaît tout. Anajua biote. Par son sa préscience. Tanguria kufahamu kwake. Par sa préscience. Dieu connaît tout. Mungu anajua vitu vyote. Il connaît toutes choses. Aina paka wewe. Ce n'est pas seulement toi. Anakujua wewe. Anajua bibi yako. Anajua baba yako. Anajua watoto yako. Rafiki yako. Bakambo yako. Anajua baingo yako. Bafushi yako. Anajua tout ce qui se cadence. Même le C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Cela devait amener de la crainte en nous. C'est vrai. Et cela devait amener du respect. Parce que celui seul qui a cette faculté, oui, il a cette faculté. Il n'y a pas un endroit où tu peux aller. Dans Jérémie chapitre 23, Jérémie chapitre 23. Jérémie, il n'est pas seulement un Dieu de près. Ana Mungu paka karibu tu. Il est encore un Dieu de loin. Lakini ni Mungu tena wa mbali. Dans Jérémie chapitre 23. Jérémie 23:24. Mu mustari yake ya 24. Ne suis-je pas Dieu que de près? Eti sina Mungu tu wa karibu. Anasema wa milele. Et ne suis-je pas aussi Dieu de loin? Eti sina tena Mungu ambari. Quelqu'un mutu se tiendra-t-il dans un lieu caché? Eti anaweza kukuchama sans que je ne le vois? Bila mi kumona. Dit l'Éternel. Anasema wa milele. Ne remplis-je pas moi le ciel la terre? Dit l'Éternel. Eti aina mie ni unajaza mbingu na dunia. Anasema wa milele. C'est vrai. Kweli. Il n'y a aucun endroit où tu peux te cacher. Nous sommes nus. Tuko wazi. Tuko utupu. Nous sommes nus. Tuko utupu. Devant Dieu. Mbele ya Mungu. Dieu connaît toutes nos pensées. Mungu anajua mawazo yetu yote. Depuis ta naissance. Tangia kuzalika kwako. Jusqu'à ta mort. Kufika na lufu lwako. Toutes tes pensées. Mawazo yako yote. Sont connues de Dieu. Mungu anesha kujua. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. Dans Job au chapitre 34. Mu Yobo ma kumitatu na ine. Dans son verset 21 à 25. Mustari yake ya. Car Dieu. Kwani Mungu. Voit la conduite de tous. Anajua mwenendo ya mtu wote. Il a le regard sur le pas de chacun. Macho yake iko yule matua kila mmoja. Il n'y a ni ténèbres. Hakuna giza. Ni ombre de la mort. Wala kimvuri ya lufu. Où puisse se cacher? Mule unaweza kutama. Ceux qui commettent l'iniquité. Bale biko natenda. Je n'ai pas besoin d'observer longtemps. Mungu ana na wakati ya kuangarishisha. Pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Mutu apate kuingia mkusamba naye. C'est vrai. Kweli. Il brise les grands sans information. Eko na bunja bakuwa. Et il en met d'autres à leur place. Na eko na eka bengine pa fanya. Car il connaît leur œuvre. Sababu anajua matendo. Il est renversé de nuit. Na eko. Et ils sont écrasés. Na eko na. Il est Dieu. Il a la faculté qui lui permet de connaître et de voir toutes choses. Il n'y a pas de ténèbres. Oui, bien-aimé frère. C'est par sa préscience. C'est vrai. Qui lui permet de connaître toutes choses. De voir toutes choses. Dans Proverbe chapitre 5. Dans son verset 21. Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel. Il observe tous ses sentiers. L'Église est avec moi. Comprenez et croyez que vous n'avez pas d'intérêt aujourd'hui de vivre une vie de dissimulation. Pas que ta vie est nue devant ton Créateur. Tu n'as rien à cacher. Non, bien-aimé frère. Non, bien-aimé sœur. Dans Psaume 139. Zaburi. 139. Psaume 139. Zaburi 139. Écoutez comment cet homme dirait. Qui est il? Cet homme de David disait. Psaume 139. Vous pouvez lire tous les chapitres. Éternel, tu me sondes. Et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue. Que déjà éternel, il la connaît entièrement. Frère, ça, c'est Dieu. Ça, Elohim. Avec sa faculté, il lui permet de connaître toutes choses. Voyez, quand tu penses, avant que vous fichiez, ma oiseau y a commis, il y a un élément qui lui connaît déjà. Il y a un élément qui lui connaît déjà. Quand tu formes n'importe quel plan, lui connaît. C'est vrai frère. Il connaît tes sentiments. Il connaît mes sentiments. Il connaît mes pensées. Il connaît tes pensées. Il connaît mes projets. Il connaît tes projets. Il connaît ta vie. Parce que lui, il est le Créateur et il est Dieu. C'est lui qui t'a conçu. C'est vrai frère. Quand tu formes tes projets, lui connaît tout. Il connaît là où tu vas commencer avec ton projet. Il connaît. Et là où tu termineras avec les projets. Ah, il connaît. Nous, en tant que fils de Dieu, prenons soin de confier, de remettre à Dieu nos pensées, nos projets, nos plans que nous formons comme les hommes. Nous devons les confier parce que lui, il connaît le début et la fin de toutes choses. Quand vous faites confiance à Dieu, unamtumainia Mungu, ah, il va redresser les choses. Quand la parole n'est pas sur ma langue, bele ata maneno yako que déjà éternel tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant na kumbele, et tu mets ta main sur moi. Na mukono yako na ikayulu yako. Une science. Elimu, aussi merveilleux adamane, et au-dessus de ma portée elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je loin de ton esprit? Tenda wapi, mbali na mungu yako? Où fuirais-je loin de ta face? Wapi, mbele na uso yako? Si je montais aux cieux, tu es là. Ukwako. Si je me couchais au-dessus de moi, et voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Je dis au moins les ténèbres me couvriront. La nuit devient plus claire autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui m'as formé. C'est toi qui as formé mes reins. Qui m'a tissé dans le sein de ma mère. C'est vrai frère. Je te loue. De ce que je suis. Une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Ma et mon âme les reconnaît bien. Na yangu, vous allez continuer. Tu ne peux pas te cacher. Quand tu fais une faute, wakati unafanya nkosa, comme un homme, na muntu, repens-toi. Tubu. Confesse cela. Kiri seulement. Dieu aime cela. Mungu anapenda kavile. Wakati unakiri, vous repentez, unatubu. Dieu voit que tu Mungu anaona na anayosema upende kufanya. Voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. Je sais que tu le crains. Mungu anayosema unamuogopa. Voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. C'est par incrédulité. Les gens pensent que quand ils font du mal aux autres, quand ils font les mauvais plans, Dieu est aveugle. Non. Lui t'a donné les yeux pour voir ce qui se trouve à côté de toi. Mais lui n'a pas les yeux pour voir ce que lui-même a conçu, ce que lui-même a créé. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes sœurs. Un seul qui connaît tout. Un seul qui connaît toutes choses. C'est seulement Dieu. Pas les devins. Pas les magiciens. Pas les démons. Pas les hommes. Pas les anges. C'est vrai frère. C'est vrai ma sœur. C'est lui qui connaît tout. Par sa préscience. Dans psaume 33. Il connaît tout. Le seul qui a cette faculté. Il est infini. Il est omniscient. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Parce qu'il est Dieu. C'est vrai frère. C'est vrai ma soeur. Dans 33, psaume 33, verset 13, l'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme, du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme l'air que à tous. Vous voyez bien mes frères, qui est attentif à toutes les actions. Vous voyez bien mes frères, vous voyez bien mes soeurs, il est attentif à tout ce que tout homme fait. Il voit tout ce que tout homme fait. C'est vrai frère, c'est vrai ma soeur. C'est pourquoi Jésus était le Dieu tout-puissant. Pourquoi? Il est l'unique homme qui connaissait toutes choses. C'est vrai frère. C'est vrai ma soeur. Il n'était pas la deuxième personnalité de la divinité. Non. C'est lui l'Elohim. Qui a vécu dans l'éternité. C'est lui qui au commencement est devenu la parole. C'est lui qui dans le Nouveau Testament est devenu la parole faite chair. Lui connaissait toutes choses. Même les disciples l'ont témoigné. Dans Jean chapitre 16, dans son verset 30, parce que c'est le seul, l'unique qui a cette faculté, qui est infini, qui est omniscient, qui est omniprésent, qui est omnipotent. C'est vrai, Jean chapitre 16, vous lirez à partir du verset 20. Moi, j'ai un verset 29. Les disciples lui disent, voici maintenant tu parles ouvertement. Et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. Vous voyez? Et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti d'Elohim. C'est vrai frère. Tu es une création. Toi Jésus, tu es une création d'Elohim. Tu es sorti d'Elohim. C'est pourquoi tu connais tout. Tu connais toutes choses. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé frère. mpendwa. C'est dans cette faculté. Na ni mwile uwezo qui a permis à Dieu iliruhusu Mungu de redresser apate kunyoolosha sa volonté mapenzi yake dans son conseil mule mushauri de sa volonté. Ya mapenzi yake. Pavile tutaiona. Juu kwa maana mnaona. Frobaname dit ceci. Ndubaname unasema hivi. Da adoption 4. Mu kubaliwa 4. Kubaliwa 4. Paragraphe 100 et paragraphe 44. 44 nota 44. Paragraphe 44. Nota yake ya 44. Allons, écrivez 47. Manjike 47. 47. Regardez. 47, 48, 49. 47, 48, vous pouvez aller jusqu'à 51, je vais aller en sautant. Luka, Luka. Vous pouvez aller encore jusqu'au paragraphe 55 à 56. Il dit ceci. Alors, nous y reviendrons. Alors, mais, il ne l'a pas créé comme ça. Est-ce que mon bébé? Seulement, il a donné à l'homme le libre arbitre. Chaque homme qui vient au monde est placé devant le même choix encore aujourd'hui. Dieu parle sa préscience. Dieu parle sa préscience. Savez qui accepterait et qui n'accepterait pas son plan du salut. Il le savait. Quand il s'agit du salut et du comportement des gens depuis l'éternité, Dieu avait déjà vu comment tu vivrais sur la terre et comment tu agirais, comment tu te comporterais devant sa parole, devant son plan, par sa préscience. Il avait déjà vu. Vous voyez bien mes frères, nous allons en parler. Quand il a vu ça, il pouvait maintenant redresser. Il pouvait maintenant conseiller. Comme le montrerons dans le conseil de sa volonté. Et comme nous le montrerons dans sa volonté. Quand Dieu a vu ce qui se passerait sur la terre et comment les hommes et les anges se comporteraient avec leur libre arbitre, c'est là où il a décidé de lire les gens. Ni pale njo akabeba sa mipango kuteula za sabato. Jo kiri mufikisha achakule bantu. C'est de lire maintenant les gens. L'église est avec moi. Kanisa tu pamoja. Mapo yake ya kwanza, sa première décision. Il Mapoyake. Le plan. Mapoyake ya kwanza. Le premier plan. Il croyait qu'on a muntu. C'était de sauver. Bila condition. Tout homme sans condition. C'est ce qu'il avait conçu. Nanjo il arriva sans mi pas. Dans sa pensée. Mais quand sa préscience. Mais moi quand c'est ça utangulia kufahamu yake. A vu. Uriona. Le comportement de l'homme vis-à-vis de son plan qu'il avait conçu dans sa pensée, c'est ce qui avait fait que dans le conseil de sa volonté, Dieu prend la décision de choisir des gens et de prédestiner les gens. Dieu a choisi les gens et il les a prédestinés sur base de leur propre libre arbitre. La volonté de Dieu La pensée de Dieu et la présence de Dieu était impuissante. Était impuissante sur la décision du libre arbitre de l'homme. Vous le comprendrez. L'Église est avec moi. La pensée a conçu. Mawazo yoritunga. La préscience a vu. Tangulia kufahamu kwa kunaona. La volonté a décidé. Na mapenzi inachakula. Mais ne pouvait pas décider. Lakini haikuwezi kuchukua sa mipango. Yulu ya ile uhuru ya kuchakula na Mungu iko na Mungu. Alors Dieu dit. Na sasa pale Dieu Mungu akasema. Comme l'homme a son libre arbitre. Kabla mtu eko na uhuru yake ya kuchakula. Il a son libre arbitre. Eko na uhuru yake ya kuchakula. Et avec son libre arbitre. Na ile uhuru yake ya kuchakula. Il va se décider. Atachukua mipango. Il a sa liberté. Eko na uhuru Dieu a coupé ma mipango, Dieu a ma volonté, Dieu a ma pensée, Dieu a ouï. Alors je vais choisir les hommes et les femmes sur base de leur propre volonté. Que Dieu vous bénisse. J'arrête ici. Vous voyez bien mes frères et sœurs. Kama mushikie bibintu au si vunalivva comprendre ces choses utamini mafundisho ya bongo tu vois croire aux fausses doctrines na utapotea et tu seras perdu utaanza kutraiter Mungu d'injuste commencer à traiter Dieu wa mzalimu non Dieu Mungu ne sera jamais injuste kama atakuyaka mzalimu wala uchakuzi tu vis unaishi ce que tu aimes kile unapenda tu es uko c'est que tu veux. Il est unapenda. C'est vrai, frère. Kweli nduku. Ce n'est pas la décision de Dieu. Aina mipango ya Mungu. Tu vis ta propre décision. Uko naishi mipango yako. Tu vis ton propre vouloir. Unaishi kutaka kwako. C'est vrai, frère. Kweli nduku. Mais ce que tu vis là. Lakini kenye kunaishi. Je l'avais déjà vu. Alikwisha kuona. Depuis l'éternité. Tangia milele. Mais lakini, gloire soit rendue à son nom. Utukufu imurudie. Parce que depuis l'éternité, sababu tangia milele, Elohim nous a vu, nous, les croyants de sa parole. Il nous a vu, lui, les obéissants à ses commandements. Il nous a vu, lui, nous, aimant la vérité, aimant son plan, aimant sa parole. Voilà pourquoi il nous a choisi. Nous sommes ici ce soir parce que nous l'aimons. Sababu tunampenda. C'est vrai, frère. Kweli nduku. C'est vrai, ma sœur. Kweli dada yangu. Tushimame njua kuomba. Dieu nous avait vu. Mungu alitunaka. Il avait même constaté dans l'éternité. Tanguria kata kuona mulu mbele. Que nous l'aimerons. Ya kwamba tutamupendaka. Na wakati tutaisha kamukambo. Dans cette génération. Na mwikizazi. Corrompu. Kenye kuchafuka. De la Odyssée. Ya la Odyssée. Il nous a vu. Yeye alitunaka. Malgré la séduction. Ata utongozi mile takuya. Nous aimerons la vérité. Yeye tutapenda ukweli. Kale jandiro. Wakati batu batasema. Le message est dit. L'éternité, nous nous avons dit, le message est la vérité. C'est notre nourriture. Voilà pourquoi nous clamons. Nous continuons à glaner dans les champs de Boaz. Parce que c'est là où nous avons été prédestinés à glaner. Pour recevoir une rédemption complète. Accente Bwana. Amen. Alléluia. Asante Bwana. Amen. Asante Bwana. Asante Bwana. Amen. Oh amen. Prions-nous tous ensemble. Merci Seigneur. Merci pour ce plan merveilleux. Merci pour ce que toi tu avais vu.